je revendais que truc, je revendais que truc. Je suis dans le del, je mets la gomme dans le bolide, la gomme dans le bolide. C'est ça le thème, se passe comme un Napoli, comme un Napoli. Tu peux appeler la police, appeler la police. 40% pas de diluant. D'ici il faut bouger, je revends la sub, ouais celle qui t'a couché. Tu vas péter ta tête quand tu vas capter à quel prix je l'ai touché. Ouais faut assumer, 7h du matin, les wesh toujours pas couché. Le F3 je fume, statique et frozen, un con cul fait clocher. Si sur le poupon, un par un je vais les cartoucher. 5-6-0 dans le garage, des clients dans l'allée para. Appelle-moi si tu veux des paras, moi et l'instru, on est inséparables. Dorénavant je suis masqué, comme quand je caillassais les casqués. Tu veux le frozen forbi, viens sur Wicker, tu vas casquer. Illicite, X-Max, bénéfice. Mère, je vois que des gueuches qui se tapent. Illicite, X-Max, bénéfice. Qui je tape au point de vente. Sa mère, je vois que des gueuches qui se tapent. Et là j'allume la Cali, je revends la mort pour partir à Bali. J'allume. Soubaïda tu palis. Pendant ce temps là nous on fume le Népalais. J'aime pas les condés, ils m'ont trop convoqué au palais. Tout passe par la linéa. Des plongeurs récupèrent des ballons.